Pas de deux, de Manuela Morgan, dit par Hugues Kester, Edith Cobb, Irène Jacob. Et à moi tout est égal. Ils n'ont qu'à frapper à la porte, encore. Me couvrir de fleurs, me suivre comme un cercueil, verser des larmes sur mon corps comme on jette du riz à une nouvelle mariée. D'un commun accord, la nouvelle mariée et moi restons gisants. Avons hommes et femmes assez donné. Qui me parle encore? La paix. Le silence. C'est peu. C'est tout ce que j'implore. Et je ne me mettrai plus à genoux. Qu'il cesse de frapper. Un instant, un seul, seul dans ma loge. Qu'il cesse de frapper. Je n'entends plus mon cœur, pas un instant. Seul pour souffler. Exténuée, la femme. Encore trempée de sueur, l'homme. Homme pareil à une vieille prostituée. Il tambourine. Qu'il tambourine. Deux esclaves à quatre pattes me déshabillent. J'ai mal comme si elles m'écorchaient avec des griffes de loup. Ce ne sont que les cintres. La seule vue des cintres sur lesquels elles étendent mes lambeaux. Pacotille, ornements. Mes costumes, parures, voiles, mes mues, ôtées de moi. Je suis nue, toute vêtue, avant qu'il ne tambourine. À présent, je suis nue comme un ver. Tout nu. Les esclaves me déposent. Une défera ma taille. Une autre viendra laver mon visage. Elle frémira. Comme chaque jour, à mesure qu'elle le découvre. Homme fait femme. Homme grimé, assoupli. Si je pouvais un moment revenir en arrière, je compterais jusqu'à trois. Un. Je ferme les yeux. Deux. Prends ma respiration. Trois. Entre dans la fleur. Un. Deux. Trois. Je fends le rideau de scène. Je perce le noir. J'ouvre les bras. Un. Deux. Trois. Un silence de mort m'accompagne. Mes pieds glissent comme des anguilles sous le sable. Je suis vivante. Il n'y a pas de sable. Je flotte. Je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus ce que je suis. Plus rien. À genoux, cette fois-ci, je remercie ma mère de m'avoir lié les pieds à l'âge de 5 ans. D'avoir enfermé mes viscères dans des corsets qui ressemblaient à des fantômes d'enfants. De m'avoir lissé les cheveux avec des huiles animales dont l'odeur me répugne encore aujourd'hui, de les avoir tressés, de m'avoir empêché d'approcher la moindre créature de mon âge. Je te remercie d'avoir fait de moi ce demi-dieu condamné à vivre en gloire. C'est ainsi que je pense lorsque j'en viens de derrière le rideau de scène. Rideau cachant mon sexe, ouvrant la danseuse, la muse, la vierge, blanche et nue. Mais là, sur scène, en elle, j'y suis encore. J'ai fermé les yeux. Et pris ma respiration. Suis entré dans la fleur. J'ai percé le noir. Une sorte de béatitude me conduit. Mes membres sont d'une souplesse inouïe. J'ai fait le vœu d'un envol d'aigle. Je triomphe. Mes mains se transforment en théâtre d'ombre. Elles sont le corps de toutes les passions. En silence. La cérémonie frigide d'une première nuit de noces. Homme jouant femme. Mon premier rôle. J'entre dans le corps de la nouvelle mariée. Elle est entièrement consentante. Elle et moi. Elle et moi. Nous sommes tous deux humiliés et graciés dans le drame que nous jouons. Sacrifiés à la représentation impudique de l'abandon. Je me suis abandonnée. Je me suis sacrifiée. Je me suis humiliée. Je déchire ma robe. Trois gouttes de sang envahissent ma bouche. Mes bras se soulèvent. Esquisse, geste, délivrance. Déployés l'un dans l'autre, nous sommes unis par les liens du mariage. J'épouse mon destin. La robe est mienne. Ma nouvelle enveloppe. Elle épouse mes muscles. Enserre ma peau. Me couvre jusqu'aux chevilles. Mes membres s'affinent. Mes cils se retournent. Je suis la mariée tout juste possédée. Voilà ma forme de vie. Tous les soirs, depuis l'âge de 5 ans, je dois danser mon sexe opposé. C'est mon destin. Danser sous les traits d'une femme. Onagata. Ils disent que je suis le seul. Ils pensent qu'il n'y a que moi. Onagata. Je serai unique. Je dois donner en spectacle. Offrir le drame d'une forme dédoublée. Le spectacle d'une absolue symétrie. Onagata. je leur dois un seul corps capable de se déployer en deux. Qu'ils tambourinent idolâtres, qu'ils frappent. Ma joie ce soir est profonde, inaltérable. C'est la dernière fois, ce soir. Et les fripes parlent. Le corset. Je t'en sers, je te tiens. Je te contrarie, je souligne ta taille. Je suis celui qui fait de toi figure de prisonnière. Je te lasse, je t'étrangle, je souligne tes hanches, te dénature, te façonne un corps d'idole. Je suis ta colonne, je suis ta mère et ta sœur, je suis tes seins. Les chaussons. Piétine-nous. Danse, vieux sage. Danse, grande folle. Danse encore. Une et deux. Première, seconde, troisième et quatrième position. Tes pieds lèvent. Droit et gauche. Saute, vieux sage. Saute, grande folle. Use la terre, use-nous jusqu'à la lie, saut de biche, donne ton cœur, frotte les planches, rebondis fantôme. La robe de chambre, pendue à toi, trempée de ta sueur, ton enveloppe de tissu, ton rideau, ta dernière scène. Vieille relique de toi. Tu me noues sur ta fourrure d'homme contrarié. Je t'éponge. Je t'absorbe. Tu t'accroches à moi. Et je suis ta sangsue. Je ne verrai plus ces cintres. Plus jamais. Chaque jour revient au même. Toujours. On m'a ordonné... À 5 ans, tu dois toujours, sois toujours prête, toujours, attention, entre toujours, salue toujours, Onagata. Plus jamais. Plus jamais ce soir comme tous les autres soirs. Plus jamais de ce soir où je me travestis, me maquille, me dénature. Plus jamais, Onagata. Plus jamais. Vieillir, mourir ou revenir en enfance. J'arrive, petit garçon, j'arrive. À 5 ans, je rêvais des châteaux de sable et de jouets mécaniques, et c'est une robe qu'on m'a endossée. Je ne savais pas encore attacher mon pantalon. Une petite robe que je prenais d'abord pour un habit de communion. Ou la chemise de nuit d'une sœur qu'on m'aurait cachée. Cachée jusqu'à ce jour où qui serait morte et que je devais faire revivre devant ma mère. La petite sœur noyée. Je suis Méduse. Gonflée d'eau. Blanche, toute blanche. Exsangue et sans respiration. Je suis apnée. Nymphe dénoyée. Je suis ton fantôme. Ton second sexe. Ton âme sœur. Je suis ton cœur gonflé de ses larmes. Et ta semence incarnée, femme. Je vole au vent comme une voile. Je te fais voguer sur tes planches. Je suis ton feu sacré, évaporé. Je suis tes gestes gracieux et tes paupières fines et tes cils qui battent. Je suis tes mains fines. Et tes ongles nacrés. Je suis ton revenant. Mon maître racontait la même histoire chaque jour. C'est une petite mariée qui se prépare pour la noce. Tu la vois devant toi, tu l'as toujours vue en songe. Il suffit de t'imaginer toi seul son visage, toi seul sous les traits d'une petite mariée. Tu la vois devant toi. Tu t'approches d'elle, mais tu es déjà si proche, si semblable à elle, qu'elle entre en toi. Tu deviens la petite mariée elle-même. Tu Tu entends elle-même. C'est le jour de la noce, le jour somptueux. Tu es pleine de grâce et de soumission. C'est le temps d'entrer en la fleur. Et moi, je voyais à la fois mes châteaux de sable piétinés, foulés, en ruine, mes jouets mécaniques inanimés, déjà rouillés, et ma petite sœur disparue, noyée peut-être, engorgée d'eau, comme une étoile de mer flottant, putride, devant moi. Toutes les femmes me sont alors apparues comme des fantômes marins. Apparues seulement. Je n'en ai pas connu une seule, les temps devenus. Tous les soirs, je suis entrée en la fleur, en rien, simple fleur de lumière, mirage. On m'a pendue à des cintres, éclairée. Mon corps traversé, littéralement percé de faisceaux lumineux, surgissait transparent comme un filament d'une peau mouvante. Je n'ai pas existé. Je fais le compte à rebours. Tous mes pas. Depuis les premiers en lumière. À 5 ans, nouvelle mariée. À 60 ans, toujours nouvelle mariée. Toujours blanc. Poudré de riz. Une morte. Je compte. 55 ans à mimer fleur de femme. Plus de temps à mimer fleur de femme qu'à vivre dans mon corps d'homme. C'est bien cela, je le répète pour le croire. Plus de temps à mimer fleur de femme qu'à vivre dans mon corps d'homme. Plus d'heures passées en la fleur, en rien. À endosser la robe. À porter la gloire. Plus de temps à représenter qu'à vivre. Je compte 55 ans. J'en porte les traces. Mon visage est usé. Mes muscles endoloris. Suis dur comme un bâton de vieillesse. Je rêve et je me dis, tu serais un bâtonnet léger. Léger. Le vent se lèverait et tu serais emporté comme une brindille. Comme si la sciure que nous sommes, toi et moi, pouvait se dissoudre et le souffle se réduire en poussière, ombre disséminée. Je suis doué de semences. Je ne l'ai jamais répandue. Elle aurait gonflé en moi 60 ans, affluée, puis se serait noyée en elle-même, engorgée dans son propre roulis. Rideau, rideau, entre la nouvelle mariée et moi, entre la scène et moi, entre ma parole donnée et moi, entre mon contrat de mariage et mes châteaux de sable à construire. Rideau, Onagata, c'est fini. La robe blanche immaculée restera pendue à son cintre, sans moi, cette nuit. Ils me chercheront, je m'enfuis, ma robe tracera une effigie à mon image. Et ils tambourinent encore à la porte de ma loge. De plus en plus fort. Je ne les entendais plus. Je voyageais. 55 ans de ma vie de gloire masquée, roulée dans le tissu, blanc sur fond blanc. Mon corps d'homme effacé, renié, dévoré peu à peu, rendu servile. Ils entrent de force. Je les vois tout à coup s'agiter devant moi, comme des vampires. Sans doute ont-ils senti l'odeur de mon sang. Je me croyais sur le sable. Je suis assis, là, nu. Certains ont des fleurs plein les bras. Toute rage m'a quitté. Assis sur le sable, je me vois construire mes châteaux. Enfin seul, pesé de tout mon poids, enfin à la lumière du jour. À sentir vibrer mes membres, battre mon cœur. Relâche. Je suis lourd, j'entends le flux et le reflux de mon sang. L'air marin s'infiltre dans mes poumons. Un goût âcre inonde ma bouche. Me voilà mort. Mes châteaux s'étendent à perte de vue. C'était Pas de deux de Manuela Morgan, dit par Hugues Kester, Edith Scobb, Irène Jacob. Prise de son, mixage, Olivier Dupré. Montage, Ronan Mahé. Assistante, Isabelle Mézil. Réalisation, Blandine Masson.